Le délégué coréen a prononcé un discours le 4 octobre au 2e comité économie et finances de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit « Pour l'application satisfaisante du programme sur le développement durable, le droit indépendant au développement de tous les pays membres doit être respecté. Le programme exige de respecter parfaitement l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de tous les États, de garantir l'exercice de leur souveraineté complète et éternelle sur les biens, les ressources naturelles et les activités économiques, et d'interdire la prise des mesures économiques, financières et commerciales unilatérales opposées au droit international et à la Charte de l'ONU. Le processus d'application des objectifs du programme sur le développement durable 2030 doit promouvoir le développement économique national des pays concernés et contribuer à l'établissement d'un nouvel ordre économique international. L'actuelle réalité exige de ne plus tolérer la position monopoliste qu'occupe une minorité des États privilégiés dans la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et autres organisations financières internationales, d'assurer de façon satisfaisante le droit de représentation aux pays en développement, y compris de nouveaux pays économiques montants. Le danger permanent d'une guerre nucléaire, la sanction économique et le blocus par les États-Unis constituent une menace sérieuse pour le développement économique et le développement durable de la Corée. Mais notre peuple portera plus haut le drapeau de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même et progressera avec vigueur pour l'édification d'une puissance socialiste. Le gouvernement de notre République s'efforcera toujours d'éliminer l'ordre international périmé et d'établir les relations économiques internationales équitables et justes et contribuera activement à l'effort international pour atteindre les objectifs du nouveau programme sur le développement durable.